La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le scandale de l'ISF Gate, ou comment, pendant une dizaine d'années, de très riches Français ont placé des milliards d'euros au Canada afin d'échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune. Faut-il surtaxer les riches? Cela fait plus d'un siècle que le pays se pose la question, lui apportant, selon les époques, des réponses variées. En 1982, le président socialiste François Mitterrand en apporte une en instaurant l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes, l'ancêtre de l'ISF. Depuis, cet impôt n'a cessé de prendre des coups, abrogé, rétabli, plafonné, parfois jugé incohérent. Le 14 décembre 2021, le journal Libération révèle que pendant plus d'une décennie, des grandes fortunes françaises auraient eu recours à des structures opaques immatriculées au Canada, des trusts non déclarés en France, pour échapper à l'ISF. Ce serait près de 4 milliards d'euros dissimulés. Des soupçons suffisamment étayés pour déclencher plusieurs redressements fiscaux, une enquête policière et une information judiciaire. Car l'évasion fiscale, le non-consentement à l'impôt, quel qu'il soit, participe forcément à la paupérisation de l'État et nuit gravement à la solidarité nationale, tel est bien l'enjeu de cette histoire. Notre invité aujourd'hui, le grand reporter Laurent Léger, qui a révélé l'affaire dans le journal Libération. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'impôt de solidarité sur la fortune sera resserré autour du seul patrimoine immobilier afin d'encourager l'investissement dans la croissance des entreprises. La réforme sera votée dès cette année dans la loi de finances pour 2018 et entrera en vigueur en 2019. Depuis sa création en 1982, le sujet de l'impôt sur la fortune refait surface périodiquement, qu'on veuille le supprimer, le réformer ou le rétablir. Selon son camp et l'air du temps, on l'a appelé impôt sur le capital, impôt sur la grande fortune, puis impôt de solidarité sur la fortune, avant de disparaître donc au profit de l'impôt sur la fortune immobilière, l'actuel IFI. Qu'importe le flacon, pourvu qu'en polémique, totem pour certains, tabou pour d'autres, l'ISF, ce sont trois lettres, 40 ans de controverse, c'est presque autant de façons de l'éviter. Car cet impôt est à l'image du système fiscal français, complexe et friable, tant il est aisé d'en réduire l'impact quand on connaît les chemins de l'optimisation fiscale ou de la fraude. Ici, pratique légale et illégale se côtoient pour parfois se confondre. Dans tous les cas, c'est un manque à gagner considérable pour l'État. Au gré des affaires et des fuites massives de documents, des Panama Papers jusqu'au LuxLeaks, le grand public découvre les secrets les mieux gardés des paradis fiscaux où particuliers fortunés multinationales cachent leur argent pour échapper à l'impôt. On connaissait les îles exotiques et opaques, les anciens comptes à numéro suisse ou les sociétés offshore créées au Panama, mais l'enquête du journal Libération, publiée en décembre dernier, dévoile les nouveaux horizons de l'évasion fiscale. Exit les cocotiers, c'est du Canada que surgit le dernier scandale en date. Oui, le Canada, pays du G7, pays allié qui se met en pointe dans le combat pour la justice fiscale. C'était d'ailleurs l'une des promesses du candidat Justin Trudeau, élu Premier ministre le 19 octobre 2015. Autrement dit, baisse des impôts pour les classes moyennes, mais hausse de la fiscalité pour les plus riches. Au cours des trois dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à aller à votre rencontre et à vous écouter. Vous m'aviez dit que vous vouliez un gouvernement ouvert et transparent. Un gouvernement qui fait confiance en ses citoyens. Un gouvernement au service de tous les Canadiens et les Canadiennes. Ce soir, c'est l'engagement que je prends devant vous. je serai le premier ministre de tous les Canadiens. Retour en France. Quelques mois plus tard, un jour de 2016, un mystérieux personnage pousse les portes de la police judiciaire de Nanterre, quartier général de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, c'est-à-dire le service chargé des grosses enquêtes politico-financières. Arrivé tout droit du Canada, la besace remplie de documents accablants, il s'apprête à livrer le récit de ce qui pourrait être une fraude fiscale massive et inédite portant sur 4 milliards d'euros. Des heures durant, cette source très bien informée va raconter comment, pendant plus d'une décennie, des dizaines de millionnaires français ont profité des étranges pratiques d'une société de gestion de patrimoine installée au Québec afin d'échapper à l'ISF. Elle va aussi détailler cette source, le rôle central, semble-t-il, d'un avocat français dans ce dispositif, parfois légal, parfois non, et surtout, commencer à lister les familles en or qui en auraient bénéficié. Sur les procès-verbaux des policiers se côtoient des grands noms de l'aristocratie française, du cinéma, de l'industrie et des finances, un Gotha. Le travail du lanceur d'alerte accompli, celui des enquêteurs commence. Quelques semaines plus tard, début 2017, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ouvre une enquête préliminaire, suivie 2 ans plus tard par le parquet national financier pour fraude fiscale aggravée, complicité de fraude fiscale, blanchiment et association de malfaiteurs. Et tout commence en 81 avec l'élection de François Mitterrand. Dans son programme de campagne, 110 propositions pour la France, figure en bonne place un impôt sur la fortune au barème progressif. Le principe est simple, il faut faire participer davantage les plus riches. Une fois élu, le président Mitterrand s'applique donc à son instauration qui concernera chaque foyer français dont le patrimoine dépasse 3 millions de francs, l'équivalent aujourd'hui de 450 000 euros. 2 mois plus tard, le 8 juillet, Pierre Mauroy, Premier ministre, annonce dans sa déclaration de politique générale ses objectifs en matière fiscale. En élisant François Mitterrand, les Françaises et les Français ont choisi de substituer à une société dure aux plus démunis une société juste et équitable. Mais pour donner plus aux uns, il faut donner moins aux autres. Il n'y aura pas de miracle. Et il n'existe pas de cagnotte où prélever les revenus versés aux uns sans toucher à ceux des autres. Après quelques ajustements, dont une exonération pour les biens professionnels et les œuvres d'art, la loi est promulguée le 30 décembre 1981. L'impôt sur la grande fortune est né. Si près de 76% des Français approuvent la mesure, d'autres préféraient le voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors, dans les jours qui suivent, une rumeur court selon laquelle certains esprits chagrins auraient décidé de quitter le pays avec leur argent. On était dans un chaos indescriptible. Neuilly était tout ému, s'amuse un haut fonctionnaire de l'époque. Mythe ou non, le gouvernement ne recule pas et la résistance des quelques ultra-riches s'organise contre ce maudit impôt. C'est ainsi qu'un membre du clan Schlumberger, dynastie française à l'origine d'un empire industriel, prend contact avec l'avocat parisien Jacques Le Blévenec. Il charge cet ancien inspecteur des impôts, spécialisé en fiscalité internationale, de trouver un endroit discret pour mettre ses millions à l'abri. Ni une ni deux, l'avocat s'envole à la recherche d'un paradis fiscal digne de ce nom. Il jette son dévolu sur l'archipel britannique des Bermudes, où prospèrent déjà des centaines de banques et de sociétés offshore. Surnommé la petite Suisse de l'Atlantique, ce territoire minuscule est connu pour son triangle, bien sûr, mais là ce ne sont pas des avions ou des bateaux qui disparaissent, mais l'argent de l'impôt, oui. Impôt zéro et législation permissive, le paradis quoi. Genre, je sauve mon yacht. Sur place, l'avocat Jacques Le Bellenec se lance dans la création de Trust pour le compte de son prestigieux client Schlumberger. Trust, traduction de confiance en anglais et de conglomérat économique. Mais ce terme évoque aussi un outil financier très particulier, en vogue dans les pays anglo-saxons, qui n'existe pas dans le droit français. Ni société, ni même contrat. C'est une entente légale, basée sur la confiance donc, qui permet à une personne de transférer des biens à une autre, ce peut être une personne physique, une société ou une banque, qui les gérera selon les consignes données. Complexe et opaque, le trust trouve son origine au Moyen-Âge, oui, comme l'explique le grand reporter Laurent Léger, auteur de l'enquête sur l'ISF Gate pour le journal Libération. Pour comprendre ce que c'est qu'un trust, il faut retourner un petit peu dans l'histoire. Il faut repartir par exemple au Moyen-Âge, au temps où les chevaliers partaient aux croisades, ils n'étaient pas sûrs de revenir. Et donc ils laissaient leurs biens, leur château par exemple, à un ami, un tiers de confiance, qui allait le gérer, s'en occuper, jusqu'à la majorité des enfants. C'est ça un trust, c'est un montage basé sur la confiance. Ce qui était intéressant pour les trusts, c'est que ça n'existait pas en droit français, il n'était pas taxé, et donc il n'y avait pas d'impôt sur la fortune. Ainsi, les trusts permettent de se délester de son patrimoine au regard des impôts, argent liquide, immeubles, tableaux, actions, d'échapper aux règles classiques sur l'héritage ou aux droits de succession. De quoi ravir le riche client de Jacques Le Bellenec qui en parle autour de lui. Et le bouche à oreille fonctionne. D'autres familles vont rapidement s'adjoindre les talents de l'avocat et lui confier des sommes de plus en plus importantes. Si bien qu'il va lui-même se créer son propre petit trust, histoire de cacher à l'État français de juteux revenus qui gonflent à mesure des commissions qu'il encaisse. Discret, respecté, Jacques Le Bellenec est surnommé par ses associés Kapellmeister, maître de chapelle. Pendant plus de 20 ans, effectivement, cette petite entreprise ne connaît pas la crise. Jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par celle mondiale de 2008. Après le séisme provoqué par la subprime, de nombreux États affichent leur volonté de réguler les excès du capitalisme et de ses paradis fiscaux. En 2009, la France signe ainsi avec les Bermudes un accord d'échange d'informations. L'archipel est désormais contraint de lever un coin du voile de ses secrets bancaires au fisc français. Une mauvaise nouvelle, évidemment pour Jacques Le Bellenec, qui doit rapidement trouver une solution de remplacement pour ses clients. Il rencontre alors un certain Alain Rock, patron de Blue Bridge, une petite société de gestion de patrimoine installée à Montréal, au Québec. D'origine suisse, cet ancien banquier passe pour un beau parleur, un rien flambeur. Mais avec une poignée d'employés et quelques millions de dollars canadiens gérés, sa société Blue Bridge ne se porte pas trop mal. Elle détient aussi une série de sociétés offshore qui apparaîtront plus tard en 2016 dans les leaks des Panama Papers, cette vaste enquête journalistique qui a révélé l'une des plus grandes affaires d'évasion fiscale de tous les temps. Explication du reporter Jean-François Cloutier pour le site du Journal de Montréal. Au centre de tout ça, il y a une entreprise qui est basée à Montréal, au centre-ville, qui s'appelle Blue Bridge. C'est ça, une firme de gestion assez méconnue, en fait, assez discrète, en fait, même très discrète. Blue Bridge, en fait, qui est une compagnie qui a été mise sur pied au début des années 2000, en fait, et qui était un peu apparue pendant les Panama Papers. Souvenez-vous, cette vaste fuite de documents en 2016. Blue Bridge apparaissait comme très, très présente dans les Panama Papers, et il y avait eu des questions à cette époque-là. On s'était dit, comment ça se fait qu'il y a des intermédiaires montréalais qui sont aussi présents dans les Panama Papers. La firme s'était, à cette époque-là, défendue en disant que tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de dire à leurs clients de ramener leur argent légalement dans des endroits comme, justement, le Québec. Revenons en 2009, 7 ans avant les Panama Papers. À l'affût, l'avocat français Jacques Le Bellenec voit en Blue Bridge une opportunité en or. En étudiant la Convention fiscale franco-canadienne de 1975, il constate en effet une faille exploitable. Si les revenus provenant des trusts sont clairement soumis aux impôts, comme les loyers ou les plus-values sur la vente d'actions, rien en revanche n'est dit des sommes issues du capital. Jacques Le Bellenec et Alain Rock, désormais partenaires, décident alors que tous les fonds touchés par leurs clients seront présentés comme du capital. Simple, basique. Ainsi, au cours de l'année 2009, l'avocat commence le transfert des patrimoines. Petit à petit, les trusts des Bermudes sont fermés, tandis que d'autres sont créés au Canada. Et pour Blue Bridge, c'est le jackpot. Les riches clients amenés par le Blévenec font changer la société d'échelle. D'une soixantaine de patrimoines, elle va en gérer jusqu'à 400, soit 4 milliards d'euros d'actifs estimés. Alain Roque peut fanfaronner, son ancienne petite société s'autoproclame désormais, je cite, « nouvelle référence de l'industrie des trusts et de la gestion des patrimoines ». Pour le Blévenec également, c'est tout bénef. En plus de ses honoraires d'avocat et de ses commissions d'apporteur d'affaires, il est désormais salarié de Blue Bridge, et même actionnaire de la société, et tant pis pour le conflit d'intérêts. Maintenant, qui sont ces richissimes Français qui planquent leur fortune au Québec pour pouvoir échapper à l'ISF ? Élément de réponse avec Laurent Léger, interviewé sur Radio-Canada le 14 décembre 2021. Effectivement, parce que les noms sont des noms connus. Donc, il y a les Cédoux, qui sont les grandes figures du cinéma français. Il y a beaucoup d'industriels et d'entrepreneurs très riches. Mm-hmm. Par exemple, les papiers peints Nobilis, les cafés Richard, des héritiers des eaux de Vittel, les eaux minérales. Ouais. Il y a des noms de l'aristocratie, des ducs, des princes, des comtes, etc. Il y a effectivement des héritiers de grands peintres français. Il y a des mannequins connus, célèbres. Il y a des gens comme ça très intéressants. Et je pense qu'en tirant le fil, on va pouvoir continuer à travailler sur cette enquête. S'ils sont aujourd'hui montrés du doigt, ces millionnaires étaient à l'époque en règle avec la loi française. Rien ne les obligeait à déclarer leur trust détenu à l'étranger. Rien. Les biens, le capital donc, n'étaient imposables à aucun titre. Et surtout pas à l'ISF. On parlait alors d'optimisation fiscale. Pas encore de fraude. Mais en juillet 2011, changement de décor. Alors que suite à la crise financière, la dette publique de la France ne cesse d'augmenter, le gouvernement français, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, cherche tous azimuts à récupérer de l'argent. Une loi de finances rectificative est votée. Elle oblige désormais tout trust constitué par des résidents français ou comportant des biens situés en France à être déclaré et pourra éventuellement être imposé. De quoi créer la panique chez tous ceux qui avaient imaginé passer au travers des mailles de l'ISF comme les clients français de Blue Bridge. Le beau et juteux mécanisme imaginé par Alain Roque et Jacques Le Blévenec survivra-t-il ? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Too small. N'oublions pas que notre dette va de toute façon continuer à s'accroître, quels que soient les efforts. Et en 2011, des efforts de maîtrise de la dépense sont effectués, des efforts de réduction de la dépense fiscale. En quelque sorte, on diminue les cadeaux fiscaux ou les avantages catégoriels consentis ici ou là, mais il n'en reste pas moins que la dette continue de s'accroître. Elle nous conduit à être extrêmement vigilants dans la gestion des deniers publics. Interrogé sur la chaîne YouTube du Sénat, Philippe Marini, sénateur UMP et rapporteur général de la Commission des Finances, revient sur le projet de loi rectificative du 29 juillet 2011. Elle reconnaît, entre autres, l'existence des trusts et crée une obligation de déclaration, voire d'imposition. Ainsi, cette loi pourrait siffler la fin de l'âge d'or de Blue Bridge, société de gestion de patrimoine installée au Québec. Passée la panique et après avoir consulté plusieurs cabinets d'avocats, les deux associés Rock et Le Blévenec estiment finalement que cette loi française ne s'applique pas à leur trust. Mieux, si elle les oblige à remplir une déclaration d'impôt, les sanctions éventuelles seront payées par les clients. Bien sûr, Blue Bridge se veut rassurant, tout est en règle, mais quand même, on conseille à certains de déménager à Londres ou à Bruxelles. Le fisc français, lui, est à l'affût. En 2012, les enquêteurs de Bercy lancent un contrôle sur Jérôme Sédou et sa femme, portant sur les années 2009 jusqu'à 2011. Pour le grand public, la famille Sédou, c'est avant tout la petite dernière, Léa, actrice connue et reconnue. Mais c'est surtout trois frères, descendants de la prestigieuse dynastie Schlumberger, qui règnent sur le cinéma français depuis des décennies. Le Benjamin, Michel, est producteur, le cadet, Nicolas, préside la Gaumont, tandis que l'aîné, Jérôme, le grand-père de Léa, est président et propriétaire de Pathé. Ce dernier, dont la fortune est estimée à 1,3 milliard d'euros, a eu longtemps le cœur à gauche. En 1981, après l'arrivée au pouvoir de son ami François Mitterrand, il s'était insurgé qu'une partie de sa propre famille ait placé sa fortune en Suisse. 40 ans plus tard, les choses ont bien changé. Le fisc le soupçonne désormais, lui et ses frères, d'être bénéficiaires au Canada de trusts non déclarés en France. Les enquêteurs s'intéressent aussi à une curieuse fondation américaine qui leur permettrait de rapatrier une partie de l'argent en France. Explication du journaliste Jamal Enni dans un article publié dans Capital le 31 mai 2021. Pour rapatrier l'argent plus discrètement, un circuit complexe en deux étapes a été mis en place. Première étape, le gérant de fortune québécois Blue Bridge envoie des fonds vers une fondation texane exemptée d'impôts, le Cultural Heritage Preservation Fund, qui a ainsi reçu 17,6 millions de dollars entre 2010 et 2019. Seconde étape, la fondation texane reverse l'argent à une fondation française, reconnue d'utilité publique, la fondation Jérôme Sédou Pathé, qui a ainsi encaissé 15 millions de dollars entre 2006 et 2019. À la même époque, un autre descendant de la famille Schlumberger, Jacques Poissonnat, se retrouve à son tour dans le viseur de Bercy. Mécène des amis du Centre Pompidou, il serait lui aussi détenteur de plusieurs trusts canadiens, 1 milliard d'euros d'actifs estimés. Et il utiliserait le même procédé pour reverser une partie des fonds en France via une fondation américaine. Alerté, le fisc multiplie les demandes de renseignements au Canada. Blue Bridge commence à fournir des éléments avant de stopper toute coopération en 2015. Parce que ses dirigeants se rendent compte qu'ils vont devoir divulguer l'ensemble des informations concernant les Français qui leur ont confié des fortunes. Et ça ne sent pas bon. Peut-être même la fin de leur business. En tout cas, le bras de fer est lancé. En 2016, Blue Bridge entame une procédure judiciaire contre le ministre du Revenu National du Canada, l'équivalent du ministère délégué aux comptes publics en France, pour le contraindre à fournir tous les documents demandés par la France. Au même moment, des plaintes atterrissent sur le bureau de l'Autorité des marchés financiers de Québec, l'AMF, qui surveille le secteur de la province. d'anciens employés et plusieurs clients racontent la gestion douteuse des trusts par Blue Bridge et leurs soupçons sur un dispositif éventuel de blanchiment et de fraude fiscale. Ils expliquent notamment que la société n'est pas légalement autorisée à administrer des trusts et que son dirigeant, Alain Rock, tenterait de dissuader ses clients de retirer leurs avoirs avec des arguments, disons, fallacieux. Ce qui aurait conduit certains à payer de grosses indemnités de départ. Il révèle aussi le potentiel conflit d'intérêts de Jacques Le Blévenec. Dès lors, trois enquêteurs canadiens de l'AMF se saisissent de l'affaire. Mais curieusement, rien ne se passe. Pire, deux ans plus tard, en 2018, Blue Bridge dépose un dossier pour obtenir enfin sa licence de trust et, malgré les plaintes, l'AMF donne son feu vert. Mais que se passe-t-il au Canada? Pourquoi cette étrange passivité des autorités de contrôle? Pour certains experts, il n'y a rien d'étonnant à retrouver ce grand pays au cœur d'une histoire d'évasion fiscale. En 2016, déjà, les Panama Papers révélaient que des proches du Premier ministre, Justin Trudeau, auraient soustrait au fisc plusieurs millions d'euros. Comme l'explique sur France Inter, en 2017, Alain Deneau, auteur d'un essai intitulé « Paradis fiscaux, la filière canadienne ». Ce dossier confirme les relations amicales que le Canada a toujours eues avec les paradis fiscaux modernes. C'est un ancien ministre des Finances du Canada qui a créé les lois fiscales sur un mode indirect aux Bahamas. C'est un membre du Parti conservateur du Canada, de Calgary, qui a créé les règles et les lois portant sur l'évitement fiscal aux îles Caïmans. Le Canada partage son siège aujourd'hui avec 11 paradis fiscaux des Caraïbes, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Il a signé des accords multiples avec des paradis fiscaux pour permettre au capital d'entreprises canadiennes de transiter par ces législations de complaisance pour revenir au pays affranchi d'impôts. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on constate que le chef de l'État est lié à l'establishment financier de Toronto qui profite abondamment de ces législations de complaisance. Alors que le combat judiciaire se poursuit entre le ministre du Revenu National au Canada et Blue Bridge, qui refuse toujours de donner les informations réclamées par le fisc français, le dossier avance du côté de Bercy. Fin 2016, grâce à un lanceur d'alerte dont nous vous avons parlé en début de récit, le fisc peut enfin appréhender l'ampleur du système mis en place par le tandem franco-canadien. Et il déclenche une série de redressements fiscaux à l'encontre de plusieurs membres de la famille Sédoux. En février 2019, le Parquet national financier, le PNF, ouvre une information judiciaire. Un juge d'instruction est saisi. Une série de perquisitions est alors menée chez Le Blévenec et chez d'autres avocats. Et là, bingo! La police financière saisit la liste de l'ensemble des trusts gérés par Blue Bridge, sur laquelle figurent les prénoms et l'initiale du nom de famille des bénéficiaires, l'indication de l'origine des fonds, souvent les Bermudes, et les éventuelles redistributions financières réalisées. Les plaintes déposées par le PNF soupçonnent les intéressés, dont Alain Rock, d'avoir apporté leur concours à la réalisation d'un schéma de fraude fiscale en bande organisée. Je cite ce que réfute Blue Bridge. Pourtant, au Canada, la société montréalaise ne cesse d'être déboutée. Différentes juridictions lui ordonnent de délivrer toutes les informations réclamées par la France sur plusieurs de ses clients. Ne s'avouant pas vaincu, Blue Bridge porte litige devant la Cour suprême du Canada, la plus haute instance judiciaire du pays, comme l'explique le grand reporter Laurent Léger sur le site du journal Libération le 14 décembre dernier. Au Canada, le bras de fer judiciaire devrait bientôt se terminer. La Cour suprême du Canada est saisi et devra trancher si oui ou non les informations doivent être transmises à la France. Si les informations sont finalement transmises à Paris, les mises en cause s'exposent à de très gros redressements fiscaux. Ensuite, côté judiciaire, il est tout à fait possible que la justice mette en examen les organisateurs du système, mais aussi des membres, des familles, pour fraude fiscale aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs. Le 16 décembre dernier, deux jours après la publication de l'enquête des journalistes dans Libération, le suspense touche à sa fin. La Cour suprême du Canada contraint Blue Bridge à transmettre à la France les informations demandées. N'ayant plus d'autre recours, la société se plie au verdict, closant ainsi 10 années de litige, quelques 40 volumes de procédures et 8000 pages de documents. Mais pour le PNF et le juge d'instruction français, le travail est loin d'être terminé. L'analyse de la liste de tous ces Français qui ont choisi de délocaliser leur fortune au Canada s'annonce fastidieuse. Par exemple, quels sont ceux qui n'ont pas déclaré leur trust ? Ou alors, comment confondre ceux qui ont transféré leur résidence fiscale hors de France, mais qui auraient éventuellement des comptes à rendre, notamment sur l'origine des fonds ? Et surtout, qui devra payer pénalement et qui devra rembourser aux caisses de l'État des dizaines d'années d'impôts soigneusement évités ? Pas simple. Et puis, l'on se dit que c'est une fois encore l'arbre qui cache la forêt. La filière canadienne entérinée, quelles seront les prochaines destinations d'évasion fiscale ? Journalistes et enquêteurs, découvriront-ils de nouveaux paradis pavés de mauvaises intentions ? Le fléau de l'évasion fiscale serait-il comme l'hydre de la mythologie grecque, ce serpent à plusieurs têtes qui repousse à mesure qu'on les coupe ? Une fraude estimée globalement à 100 milliards d'euros ? Un chiffre colossal qui correspond, à quelques milliards près, au montant du déficit public français en 2019. Autant d'argent que l'État ne peut pas redistribuer en aide sociale, ce qui montre la très haute toxicité sociale de l'évasion fiscale. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'ISF Gate, dont nous allons parler avec notre invité, le journaliste Laurent Léger. Bonjour. Bonjour. On vous a entendu deux fois dans le récit, parce que toutes ces informations viennent de l'enquête que vous aviez menée. Vous êtes remporté au journal Libération en décembre dernier, donc c'est vous qui signez cette enquête intitulée ISF Gate et qui révèle les coulisses de ce vaste système d'évasion fiscale entre la France et le Canada. Comment avez-vous entendu parler de cette affaire? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille et sur la piste de cette filière canadienne? Il faut bien dire que, en réalité, j'étais pas le premier à travailler sur ce dossier, parce que nos confrères canadiens, notamment le Journal de Montréal, je crois que vous l'avez interviewé tout à l'heure, le journaliste, avait déjà commencé à lever un tout petit peu le voile sur cette incroyable affaire. Et puis en France, le journal Capital avait sorti le nom des Cédoux. Mais à mon sens, c'est cachait autre chose et il fallait se mettre à gratter un peu plus. Et donc écoutez, pour tout vous dire, j'ai lancé des filets et j'ai attendu un peu et puis j'ai ramené quelques belles sources, quelques beaux contacts qui m'ont initié à cette incroyable façon soit d'optimiser ces millions, soit de frauder. Ça, c'est la justice qui décidera exactement comment qualifier cette gigantesque opération. En tout cas, c'est une opération qui a fait que le fisc français a perdu un certain nombre de d'impôts sur la fortune qui aurait dû lui être versé. Ça montre aussi la porosité de la frontière entre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale officiellement légale et la fraude fiscale illégale. Il y a une vraie porosité. Complètement. D'ailleurs, les dirigeants de la petite société canadienne, la Blue Bridge, sont persuadés qu'ils gèrent toutes ces fortunes de manière tout à fait légale, qu'ils sont dans des schémas d'optimisation sans jamais franchir la ligne jaune du droit et de la fiscalité. Et donc, effectivement, c'est la frontière entre les deux est parfois très très très infime. Mais en réalité, si certains riches français n'auront pas à payer des rappels d'imposition, en tout cas ils devront s'expliquer sur l'origine des fonds, parce que il est fort probable qu'il y ait du blanchiment quelque part pour un certain nombre d'entre eux. Et donc là, on n'est plus dans l'optimisation fiscale, on est dans un schéma délictuel, puisqu'on cache l'origine de fonds qui relève de la délinquance. Et donc, non, l'affaire est effectivement passionnante. Ouais. Mais Jacques Le Blévenec et Alain Roc, pour le coup, si je vous entends bien, ne sont pas inquiétés, puisque eux disent de bonne foi, on mène une action financière, commerciale, qui nous rapporte beaucoup d'argent, effectivement, mais enfin, pour nous, c'est légal. Par rapport à la loi, il risque quelque chose ou pas? Alors, il risque... Par rapport à la loi française, il risque gros, tout à fait. Alors Alain Roc, lors d'un séjour à Paris, il a été interpellé, entendu librement, etc. Et on l'a renvoyé au Canada. Il a pas été. C'est-à-dire que l'enquête était au tout début. Aujourd'hui, avec les nouveaux éléments, avec un certain nombre d'éléments qui ont été révélés lors d'un procès. En fait, puisque depuis la parution de l'enquête de Libé en décembre, un procès a eu lieu, public, à Montréal, entre les anciens salariés d'Alain Roc et Alain Roc lui-même. Puisque les anciens salariés qui sont partis avec des clients et qui reprochaient à Alain Roc de faire un peu n'importe quoi avec le patrimoine de ses clients, se bagarrent au tribunal depuis plusieurs années en réalité. Et donc il y a eu un débat public et un certain nombre de choses ont été dites à ce débat public. Qui montre visiblement que qu'on serait plus du côté de la fraude fiscale et du blanchiment que de l'optimisation fiscale. Donc je ne sais pas si les enquêteurs français étaient au courant de ce procès, s'ils ont pu assister. En fait, ce qui était formidable, c'est que c'était sur Teams en visioconférence. Donc moi-même, j'ai assisté à ce procès depuis Paris, depuis le journal. Il y avait quelques heures de décalage, mais tout le monde pouvait y assister. Et donc, il est possible que les enquêteurs français y aient assisté et aient pris là-bas des éléments qui vont leur permettre d'alourdir le dossier, en quelque sorte. Et vous, qu'est-ce que vous avez récolté, entendu, qui permet d'étayer votre enquête? Des choses nouvelles aussi? Un certain nombre d'aveux, notamment de Jacques Le Blévenec. Effectivement, à un moment, le juge lui a posé des questions sur ces fameuses fondations américaines par lesquelles de l'argent des trusts, des cédous revenait en France. Il y avait un flux qui était organisé, visiblement et peut-être pour masquer l'origine des fonds. Et là, Jacques Le Blévenec, interrogé là-dessus, l'a quasiment reconnu. Et donc, on a bien vu la réaction du juge, qui était très énervé. Il a dit mais comment ça se fait que vous, avocat, vous puissiez faire des choses comme ça, etc., etc. C'était très intéressant, en tout cas. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont apparus dans ce procès qui pourraient être intéressants. Le seul problème pour la presse, et moi ça a été mon problème, c'est que la loi canadienne permet que le juge prenne une ordonnance de confidentialité et de non-publication. C'est-à-dire que les débats sont publics, mais la presse peut être empêchée de publier quoi que ce soit, et notamment les noms des bénéficiaires de ces riches familles françaises et des montants. Et donc il a signé une ordonnance qui nous interdit, nous journalistes, de publier les noms concernés. Mais il y avait des noms très intéressants et je me réserve la possibilité, une fois que le procès sera terminé, parce qu'il n'est pas terminé, de lâcher les noms. Tout publier. Alors, voilà. En attendant les noms, on l'a dit un peu dans le récit, mais je voudrais revenir, le profil des bénéficiaires de cette évasion fiscale. Le profil, d'abord, ce sont de très grosses fortunes, très très grosses fortunes. On a vu les Cédoux, on a vu la famille Bontou Allais, qui sont les héritiers des fondateurs de Promodes, qui est une énorme enseigne de distribution qui a été absorbée par Carrefour. C'est des gens qui ont des milliards. Il y avait des gens, des personnalités du luxe, de la famille Guérin-Hermès. Il y avait les héritiers d'un très grand couturier français. Des héritiers de peintres français très connus, des entrepreneurs d'une taille un peu plus moyenne, mais qui ont quand même mis au Canada plusieurs dizaines de millions chacun. Oui. Les cafés Richard, la famille Descours, des entrepreneurs d'un peu partout, des gens de la noblesse, des vieilles familles, de marquis, ayant compté des marquis, des ducs, des comtes, dans leurs ancêtres, ayant quelques dizaines de millions d'euros à préserver de l'impôt sur la fortune, les ont mis dans ces trusts. C'est très composite, avec une prédominance liée aux héritiers des Schlumberger, puisque Jacques Le Blévenec, en fait, connaissait un certain nombre de membres de cette grande famille, qui est une grande dynastie française, qui a donné... qui est divisé en plusieurs branches, donc les Cédoux, en sont une branche, mais il y a plusieurs autres branches, et de nombreuses personnalités issues de cette famille ont mis aussi leur argent au Canada. Ce sont des protestants, et curieusement, il y a un tropisme protestant dans ces trusts qui ont été montés au Canada. On parle de personnes physiques. Il y a des entreprises ou pas? On parle que de personnes physiques. D'accord. Ce ne sont que des personnes physiques. Les entreprises, je crois, ne peuvent pas constituer de trust. Alors le trust, c'est très compliqué. Il a fallu que je me suis un peu arraché les cheveux pour comprendre exactement comment ça fonctionnait, parce qu'en France, ça n'existe pas. Il y a une loi qui a créé la fiducie, qui est un peu similaire, mais le vrai trust, c'est-à-dire que cette espèce d'ovni qui n'est ni une société, ni une association, ni un contrat, c'était très compliqué d'appréhender ce que ça voulait dire. J'imagine. Et en fait, c'est très simple. C'est très simple. On se repose sur quelqu'un en qui on a confiance. On lui donne tout. Et donc, juridiquement, tous ces biens dont on se déleste ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent à cet ami, à ce tiers de confiance. Et donc, vous ne payez plus les impôts que vous auriez dû payer si vous étiez resté propriétaire de ces biens, par exemple. Et donc, alors, effectivement, c'est basé sur la confiance. Donc, il faut avoir une grande confiance dans les gens qu'on choisit pour administrer toutes ces fortunes, parce qu'en fait, ces gens-là peuvent faire n'importe quoi. Bien et sûr. D'ailleurs, certaines fortunes françaises se sont rendues compte que dans leurs biens, tout d'un coup, ils étaient Ils étaient propriétaires de chalets au Canada, dont ils n'avaient pas choisi, Donc on se rend compte que les gens de Blue Bridge en étaient les propriétaires. Il y a des, il est possible que certains chez Blue Bridge aient mis le doigt dans le pot de confiture pour essayer de prendre des biens et de se faire encore plus d'argent avec l'argent des trusts qui sont censés administrer en toute confiance. Bien, Laurent Léger, vous ne quittez pas surtout, on se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Olivier Sim, Romance with a Memory. Voilà, si ce morceau vous a interpellé par son originalité, sachez qu'il s'agit de Olivier Sim, Romance with a Memory. On va reprendre notre interview avec Laurent Léger. Vous avez été étonné de voir un tel système au Canada, parce qu'évidemment, pour les paradis fiscaux, on pense aux îles exotiques, rarement au Canada ou au Québec. Oui, oui, j'ai été effectivement très étonné. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le maximum pour aller au plus loin sur cette enquête, et parce que pour moi c'était effectivement complètement nouveau, c'est-à-dire que les paradis fiscaux, comme vous le dites, dans l'imagerie qui est la nôtre, il y a des cocotiers, oui. Ce sont des confettis comme les Bermudes, les îles Vierges britanniques, des pays tout à fait opaques et non pas des grandes démocraties, des pays où les standards sont très élevés, où l'on lutte officiellement contre le blanchiment d'argent, etc., etc. Mais en fait, c'est vu de France qu'on voit les choses comme ça. En réalité, au Québec et au Canada, les règles sont très très souples sur un certain nombre de choses. Et on se rend compte que, par exemple, ce qui est impossible en France, on peut le faire au Canada, on peut ouvrir un compte bancaire sans que la banque connaisse le bénéficiaire final de ce compte, par exemple. Ça, c'est une aberration totale en termes de compliance et de déontologie bancaire en France et dans un certain nombre de pays. Mais au Canada, c'est possible, c'était possible jusqu'à il y a très peu de temps. On se rend compte aussi que le secret des avocats est tel que toutes les enquêtes qui mettent en cause des avocats finissent par aboutir dans des impasses. Il y avait un reportage très intéressant de Radio-Canada il y a quelques mois. Là, j'étais aussi stupéfait quand j'ai lu ça. Radio-Canada a raconté qu'effectivement, un des principaux membres de la mafia italienne qui vit au Québec, parce qu'il y a une communauté italienne importante et dans cette communauté, il y a une petite mafia, et ben, le chef de cette mafia est avocat au barreau de Québec. Et en fait, aucune des poursuites judiciaires, aucune des enquêtes judiciaires qui sont menées à son encontre n'aboutissent. Il est protégé par son statut d'avocat et c'est stupéfiant quand on connaît et quand on imagine le Canada effectivement comme un pays proche du nôtre, membre du G7. Franchement, j'étais très surpris. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu aller le plus loin possible sur cette enquête sur les trusts et les gateways. Et les trusts, elles sont spécifiques au Canada ou elles existent par exemple, comme on peut l'imaginer, aux États-Unis? Ah non, le trust est très répandu dans les pays anglo-saxons. Tous les pays de droit, de common law, de droit anglo-saxon permettent le trust. C'est quelque chose qui a toujours existé et qui pose pas de problème. Je pense que la finesse de Jacques Le Blévenec, l'avocat français un peu au cœur de tout ça, c'était de se dire, je vais leur proposer à mes clients une possibilité de mettre de l'argent dans un système que les autorités françaises ne connaissent pas bien, qu'ils n'appréhendent pas et sur lesquels il y a sûrement des failles juridiques à exploiter pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et finalement, ça a marché pendant un certain nombre d'années. C'est ce qui s'est passé. Au cours de votre enquête, vous me disiez que vous étiez entré en contact avec des sources. Je ne sais pas si parmi ces sources, il y a des bénéficiaires. Si oui, c'est quoi leur système de défense? Alors, les bénéficiaires sont très, très, très discrets. J'imagine, oui. Les seuls qui m'ont répondu, ou dont les avocats m'ont répondu, sont ceux qui se sont installés depuis les faits à l'étranger. Et donc, qui estiment ne pas être devable de l'impôt français, ou alors ceux qui avaient déjà déclaré, pris en main leur dossier et fait une opération de régularisation. Ils étaient allés à la cellule, la fameuse cellule de dégrisement. Oui, absolument. Voilà, monté à Bercy pendant plusieurs années. Et donc ceux-là, par exemple Danielle Thompson, la scénariste. Oui. Quand j'ai posé la question, elle m'a fait répondre par son agent qu'elle était en règle, qu'elle avait tout régularisé et que tout était déclaré. Donc dont acte, hein. Mais effectivement les autres, il était impossible d'avoir des retours et des... Mais je crois que c'est tout à fait clair. En fait, réalité, il n'y a pas à se poser trop de questions. On comprend, le système parle de lui-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Au cœur de cette affaire, il y a donc cet avocat français dont on parle beaucoup, Jacques Le Blévenec. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le personnage qui apparaît, pas forcément comme un escroc, mais comme un expert, quoi, qui trouve des solutions? Qui est cet homme? Alors, Jacques Le Blévenec, effectivement, c'est un expert de la fiscalité, du droit fiscal. Et d'ailleurs, dans les années 2000, il était reconnu dans les magazines spécialisés en droit comme l'un des grands spécialistes du droit fiscal international. Et donc, en réalité, le droit fiscal international, quand on analyse ce que ça veut dire, ça veut dire comment optimiser au maximum les impôts qu'on est ou les biens dont on dispose. Et donc en fait c'est vraiment un grand spécialiste de tout ça. Et c'est quelqu'un qui est assez solitaire, assez discret, qui n'est pas flambeur. Bon, pour la petite histoire, je racontais qu'il aime l'opéra, par exemple. Bon, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été dans des gros cabinets parisiens, qui est très connu dans le monde du droit français. qui s'est dit avec cette avec ses clients richissimes et cette possibilité de les administrer au Canada, j'ai un certain nombre de revenus qui vont me tomber dans les poches. Je crois qu'il y a un moment, comment dire les choses, il a peut-être perdu le sens de la raison, je sais pas, mais il était à la fois commissionné par la société Blue Bridge, salarié de la société Blue Bridge, ses clients lui versaient aussi des honoraires, et en plus il s'est retrouvé à un moment actionnaire de Blue Bridge, donc il touchait des dividendes sur les fortunes qui étaient gagnées, parce qu'en fait, si vous voulez, le système des trusts, ça fait travailler toute une flopée, une série de comptables, d'avocats, de gestionnaires, de toutes sortes. Et tout ça, ce sont des gens qui touchent des pourcentages. Oui. Donc ça peut faire beaucoup d'argent à force. Beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, si vous voulez, Jacques Le Blévenec, on a l'impression, mais peut-être qu'il est dans son droit, et ça, il s'expliquera sûrement un jour devant la justice, on a l'impression qu'il a perdu un peu tout sens raisonnable. D'accord. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, Laurent Léger, parce que l'heure, c'est l'heure. Merci, en tout cas, pour toutes les précisions précieuses que vous nous avez apportées. Au revoir, merci encore. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'ISF Gate, une émission que vous pouvez écouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Dans quelques minutes sur cette antenne France Inter, vous serez en compagnie d'Antoine Decaune, bien sûr. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et je vais vite parce que je vois que vous êtes à la bourre. Un peu, oui. Oui, il y a du rock. On va parler de rock aujourd'hui avec Nick Kent, rock critique légendaire, et Kéléo Kéréké du groupe Bloc Party qui vient taper une petite chanson dans l'émission. Merci. Tout de suite après Flash.